بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السادس وثلاثين بعد المئة. 136 leçon. Toujours dans كتاب الآداب livre du comportement. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى في السؤال السابع ومئتين بعد ألف 1207 question. ماذا يقول إذا سمع المؤذن؟ Maintenant il dit qu'est-ce que l'on dit lorsqu'on entend le muezzin. Donc on dit à la base, on dit la même chose que dit le muezzin. On répète ce qu'il dit. في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. Que si jamais vous entendez l'appel à la salat, l'azan, alors dites ce que dit le muezzin. طيب, dites ce que dit le muezzin. Et cela fait exception à lorsque le muezzin dit حير الصلاة, طيب حير الصلاة وحير الفلاح. Lorsqu'il dit cela, nous on doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et ça c'est valable également pour l'azan du fajr. Lorsqu'il dit as-salatu khayrun min an-nawm. Il y a des ulama qui disent qu'on ne dit rien, mais ils n'ont pas de dalil par rapport à ça. Nous on reste sur l'apparent du hadith qui dit qu'on doit dire ce que le muezzin dit. Et il n'y a pas de différence. Le seul endroit où on a une exception c'est hayal as-salah wa hayal al-falah. Il n'y a que là qu'on a une exception. Le reste on dit comme cela est venu dans le hadith. ثم قال في السؤال الثامن ومئتين بعد ألف 1208 question. ماذا يقول بعد الأذان؟ Une fois que le muezzin a fini l'azan, qu'est-ce que l'on dit? Car il y a un dua à faire. Quand même il y a un dua à faire. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء يعني بعد النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابحثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. Il dit que celui qui dit ce dua là après qu'il a entendu le hadith rapporté par le Bukhari, n'am, lorsque le muezzin a fini, il dit oh Allah, Seigneur de cet appel complet, cette salat établie, bon, je sais pas si on dit comme ça qaima, accorde à Mohammed el wasila wal fadila, c'est-à-dire le moyen ainsi que la grâce, le mérite, et ressuscite-le dans le maqam al-mahmoud, celui que je lui ai promis. Celui que je lui ai promis. Le maqam al-mahmoud, il y en a qui disent que c'est la grande intercession, al-shafa'a al-uzma. Il dit, celui qui dit cela, il aura droit à ma shafa'a, mon intercession, le jour de la résurrection. Il aura droit à son intercession le jour de la résurrection. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Là, dans ces prochains... Dans les prochaines questions, il y aura des doas à faire, ce genre de choses. J'aime pas trop traduire, mais les gens qui ont des petits livrets qui citent les doas qui sont connus, qu'ils y reviennent pour voir la traduction qui ont été donnée. Non. ثم يقول في السؤال التاسع بعد المئتين وألف 1209 question. ماذا يقول إذا سمع صياح الديك؟ Maintenant, qu'est-ce qu'il dit si jamais il entend le chant du coq? يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا سمعتم صياح الدياك فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم ناهيك الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا متفق عليه. Qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que si on entend le chant du coq alors qu'on demande à Allah de sa grâce, car ça veut dire que ce coq a vu un ange. Le coq a vu un ange. Et que si par contre on entend la voix de l'âne, c'est qu'il a vu un shaitan. Donc là on cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que c'est dans l'absolu, dès qu'un coq chante, cela veut dire qu'il a vu un ange, ou dès qu'un âne s'exprime, cela veut dire qu'il a vu un shaitan? Ça, Allah ou ta'ala alam. Certains ulama disent que ce n'est pas forcément. Mais en quoi qu'il en soit, le doigt, on le fait quand même. ثم قال في السؤال العاشر بعد المئتين والف 1210 question. اذكر فضل الصلاة ركعتين قبل الصلاة الصبح. Donc il dit maintenant, cite quel est le mérite de faire deux rak'at, deux unités de salat avant le subh, car salat est une sunna mu'akkada. Et comme dans le hadith de Aïcha, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. Qu'il dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que la salat, les deux rak'at qu'on fait avant le fajr, en surrogatoire, qu'on appelle les ratiba, on en avait déjà parlé auparavant, il dit que ces deux rakat sont meilleurs que la dunya, tout ce qu'elle comporte. Deux rakat qui sont très légères. Deux rakat très légères, Nabi sallam dit qu'elles sont meilleures que la dunya, tout ce qu'elle comporte. ثم قال في السؤال الذي بعده في 11200 بعد 1000 1211 question ماذا يقرا في هاتين الركعتين maintenant qu'est-ce qu'on récite lors de ces deux unités de salat dans la première bien évidemment on fait le Fatiha dans les deux et dans la première on fait surat al-kafirun dans la deuxième on fait le surat al-ikhlas qul huwallahu ahad comme dans le hadith d'Abu Hurayra رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد apporté par مسلم. Maintenant ce n'est pas obligatoire, c'est mieux, on peut dire ce que l'on veut. Ce qui est important dans la sunna c'est qu'elle soit légère, très courte. D'accord. Même que Aïcha disait, je ne sais même pas s'il avait lu la Fatiha, tellement c'était léger, comme il le faisait le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et ces deux rakats-là même dans le voyage, il les faisait. Même les deux rakats du Fajr, le Doha et le Witr, il les faisait, même en voyage. ثم قال في السؤال الثاني 12 و 1000 1212e question ماذا يفعل بين الأذان والإقامة. Maintenant, ce qu'on a fait, les deux rakats du Fajr, qui a eu l'Azan, après on a su comment réagir par rapport à l'Azan. Avant de faire les deux rakats du Fajr, il y a eu l'Azan, on a répété ce qu'a dit le Mu'adhin. D'accord. Après qu'on ait dit qu'on faisait le dos, tout ça, après avoir fait le witr auparavant, après l'Azan, on fait les deux rakats du Fajr. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qal yad'u Allah. C'est le moment où on fait le dua. Car c'est un moment entre l'Azan et l'Iqama où le dua il est mustajab. L'invocation elle est exaucée. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik, quand Rasulullah sallam, la yurad du'a bayna al-Azan wa al-Iqama. Qu'il n'y a aucune invocation qui est rejetée durant l'Azan et l'Iqama. Et pour ceux qui disent, moi je fais des dua et je ne vois pas la réponse, on a déjà fait un audio qui explique cela. D'accord. La dua, pour qu'il soit accepté, il y a des conditions. Et deux fois, des fois, il est peut-être accepté, on ne s'en est pas rendu compte. Retournez à l'audio qui est présent sur le site par rapport à ça. ثم قال في السؤال الرابع عشر ومئتين بعد ألف 1200 1214e question. بل سنقف له إن شاء الله. On va s'arrêter là, inchallah, car après il rentre dans le comportement de lorsque l'on sort de la maison pour aller au masjid. Naam. Fabdel Konaktafi, wa alhamdulillah.